Arrivée de la pluie par le sud-ouest, les températures maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés, avec 7 degrés notamment du côté d'Évreux. Pour le week-end, samedi, matinée nuageuse avec des pluies au nord-est et de 4 à 9 degrés, puis des maximales entre 6 et 10 degrés avec un temps changeant et même pluvieux sur l'Avranchin et le Pays de Bray. Dimanche, matinée pluvieuse et après-midi nuageux, mais encore pluvieux aussi au sud de la région avec un mercure compris entre 3 et 10 degrés. Pour renforcer son action sur le logement et l'insertion, le département de l'Eure va signer lundi prochain une convention avec le comité régional Action Logement autour de trois axes communs. Favoriser l'accès au logement des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels. Rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs des villes. Accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Cette convention centrée sur le lien emploi-logement va aussi permettre de mettre en œuvre un nouveau dispositif visant à accompagner les jeunes vers l'emploi par le logement, le pack installation qui permet dans le cadre d'une embauche de bénéficier d'un kit minimal d'équipement pour son nouveau logement. Cette mesure était prévue dans le cadre du pack territorial pour l'insertion 2017-2020. Tous ces sujets seront explicités lors de la signature de la convention lundi à l'hôtel du département en présence du président du conseil départemental Pascal Lehongre, de la vice-présidente en charge de l'urbanisme, de l'habitat, du logement et de l'économie sociale Diane Leseigneur ainsi que de Jacques Furon, président du comité régional Action Logement Normandie. Organisée avec un mois de décalage par rapport à la semaine nationale qui s'est déroulée du 8 au 14 octobre, la troisième édition de la semaine bleue a débuté lundi à Évreux. Elle s'adresse aussi bien aux pré-retraités qu'aux seniors, à leurs familles ou aux professionnels et aux aidants. Nous avons souhaité la démarrer avec le banquet des aînés qui a rassemblé plus de 980 convives dimanche à la halle des expositions. C'est ce qu'a indiqué Karen Beauvillard, la première adjointe en charge notamment des affaires sociales. Il y a une bonne mobilisation des partenaires pour cette semaine bleue axée sur le bien vieillir. 5 thèmes sont proposés, la santé, les revenus, le logement, la vie affective et la vie sociale, c'est ce qu'a détaillé l'élu. Mercredi, au centre hospitalier Heurcène, plusieurs stands en accès libre étaient proposés autour de la santé, avec notamment des dépistages gratuits de diabète, des informations sur la diététique, les conduites à risque ou encore un bilan de compétences consacré au code de la route. D'autres animations sont également proposées sur inscription tout au long de la semaine, mais c'est déjà complet. Le dernier jour, le diagnostic que veulent nos aînés est présenté à partir de 14h30 à la maison de quartier de Nétreville. Comme pour le Grenelle du handicap, une trentaine de seniors se sont regroupés pour réfléchir à la façon dont ils envisagent leur avenir, déterminer quels sont leurs manques, leurs attentes de la vie quotidienne. Bref, autant d'interrogations liées au bien-être des aînés. Mercredi 12 décembre, un atelier organisé à la médiathèque présentera des actions concrètes autour de la santé, des activités culturelles, du sport et du besoin de bénévolat. L'idée est de créer un pôle de seniors qui serait prêt à s'investir dans le milieu associatif, toujours selon Karen Beauvillard. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville www.evreux.fr. Une femme de 27 ans a été placée en garde à vue lundi pour violence volontaire avec armes et dégradation de biens privés. Les faits se sont déroulés vers midi et demi à Évreux. À l'origine, un banal différend sur la route entre deux automobilistes. L'une des conductrices n'a pas hésité à poursuivre l'autre, une jeune femme de 19 ans, jusqu'à son domicile rue de Lombardie pour la menacer avec un couteau de boucher. Apeurée, la victime, qui n'a pas été blessée, a eu le temps de se réfugier chez elle et de prévenir la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place, elles ont constaté que l'agresseuse avait tenté de pénétrer dans l'habitation en dégradant la porte d'entrée. La mise en cause a été interpellée. Elle a reconnu l'intégralité des faits lors de son audition. Elle devra se présenter le 15 mars prochain devant le procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est une victoire notamment pour le collectif Arnière Vigilance qui était mobilisé depuis plusieurs mois à Arnière-sur-Iton. La préfecture de l'Eure a reçu notification de la société Guintoli du retrait de son dossier de création d'un centre de stockage de déchets inertes. Près de l'actuelle déchetterie et d'un lotissement récent, l'entreprise envisageait d'acheminer près de 900 000 tonnes de remblais au cours des 10 ans de l'exploitation du site de 10 hectares. Pour Joël Friboulet d'Arnière Vigilance, c'est une bonne nouvelle. Si elle est confirmée, on ne va pas pleurer et on va même fêter ça. C'est étonnant quand même car le dernier arrêté de la préfecture n'augurait pas du tout cela. Même prudence du côté de Pascal Jauret. J'attends une confirmation officielle. C'est ce qu'indiquait le maire d'Arnières-sur-Iton. Si retrait il y a, je ne peux que m'en satisfaire. Fin de citation. Très belle journée sur Cristal. People

Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Après dissipation de brumes et bandes brouillard, retour d'un temps sec en matinée entre nuages et éclaircies localement belles avec un vent faible à modéré et des minimales comprises ce matin entre 1 et 6 degrés. Pour l'après-midi, des éclaircies puis un ciel de plus en plus couvert et enfin l'arrivée de la pluie par le sud-ouest. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés. Pour renforcer son action sur le logement et l'insertion, le département de l'Eure va signer lundi prochain une convention avec le comité régional Action Logement autour de trois axes communs: favoriser l'accès au logement des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels, rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs des villes et puis accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Cette convention centrée sur le lien emploi-logement va aussi permettre de mettre en œuvre un nouveau dispositif visant à accompagner les jeunes vers l'emploi par le logement. Organisé avec un mois de décalage par rapport à la semaine nationale qui s'est déroulée du 8 au 14 octobre, la troisième édition de la semaine bleue a débuté lundi à Évreux. Elle s'adresse aussi bien aux pré-retraités qu'aux seniors, à leurs familles ou aux professionnels comme les aidants. Nous avons souhaité la démarrer avec le banquet des aînés qui a rassemblé plus de 980 convives dimanche. C'est ce qu'a indiqué Karen Beauvillard, la première adjointe d'Évreux. Très belle journée sur Cristal. Écoutez la pause d'âge, la rediff avec Aurélie sur Cristal. Dans un instant, on va écouter le tout dernier M. Mathieu Chédid a sorti un tout nouvel album et on va écouter un de ses singles. Ça s'appelle Supercherie. Mais d'abord, on va jouer à la pause d'âge. Je vous rappelle que trois candidats s'affrontent ce midi. Celui qui fait le meilleur score à mon quiz repart avec le jeu vidéo de son choix sur la console de son choix. N'oubliez pas non plus que vous pouvez gagner 500 euros à tout moment si vous faites 10 bonnes réponses consécutives. Nous sommes avec Laura. Bonjour. Bonjour. On part du côté de Conches dans l'Eure. Tu es avec ta collègue en ce moment. Oui, je suis avec Julie. Julie et Laura. Bon, vous êtes, ça va, vous vous entendez bien? Bon, si vous jouez ensemble, oui. Quelle question. Non, on se déteste, mais on joue quand même à la radio toutes les deux. Bon, vous n'êtes pas encore en pause déjeuner. D'ailleurs, vous devriez être en train de travailler en ce moment, est-ce que je crois? C'est ça. Mais dis rien, dis rien. Bon, les filles, on y va, on part pour une minute de questions. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. On y va, concentration. 3, 2, 1. Donne-moi 5 ans près l'année de sortie de cette chanson. Quel était le prénom du peintre Van Gogh? Hugo. Dans quelle ville se trouve le parc d'attractions de Disneyland Paris? Marne-la-Vallée. Quelle est la ville la plus peuplée de Normandie? Évreux. Combien y a-t-il de pièces dans un jeu de domino? 28, 32 ou 40? 32. Dans quelle discipline s'illustre Plantu? Le foot. Cite-moi un prénom qui sert de nom de scène à un chanteur ou une chanteuse. Quel joueur français s'est blessé à l'épaule mardi soir lors du match France-Uruguay? Kylian Mbappé. Et c'est une bonne réponse. Oui, c'est peut-être la seule d'ailleurs. Je rigole les filles. Non, c'était bien Kylian Mbappé hein, qui s'est malheureusement blessé à l'épaule mardi soir lors du match donc France-Uruguay. Alors, on revient très vite sur quelques questions et réponses que vous nous avez données. Alors non, Plantu ne s'illustre pas dans le foot, mais dans le dessin de presse, c'est le dessinateur emblématique du journal Le Monde. Mais ben oui, après qu'on ait la réponse, c'est tellement évident. Cite-moi un prénom qui sert aussi de nom de scène à un chanteur ou une chanteuse. Bah, il y avait par exemple Jennifer, ouais. Adèle, il y avait aussi Renaud par exemple. Alors sinon, la sortie de la chanson Zen de Zazie, c'était sortie en 1995, vous avez dit 98 et c'était à 5 ans près. Donc c'est bien joué pour vous. Les filles, on va connaître votre score juste après cette nouveauté. Voici M avec Supercherie sur Cristal. Je sais. écoutez sur Cristal le tout dernier M avec Super Chérie et non pas Super Chérie comme j'étais en train de dire puisque c'est autre chose. Dans ce titre, il parle de sa femme d'ailleurs, hein, quand il dit ma muse me hante, c'est bien ça que je l'aime. Bon, c'est pas très français, mais en tout cas, je crois bien que c'est une déclaration d'amour, hein, qu'il fait à sa femme. En tout cas, ça rappelle beaucoup les années disco et tout, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, moi, je valide. Nous sommes avec Laura et Julie de Conches. Les filles ont tenté de faire le meilleur score aujourd'hui dans la pause déj pour emporter le jeu vidéo de leur choix sur la console de leur choix. Ont-elles brillé ou pas ? Non, vraiment pas. Les filles. Dans quelle ville se trouve le parc d'attractions de Disneyland de Paris ? C'était bien Marne-la-Vallée. Bonne réponse. Quel était le prénom du peintre Van Gogh ? Vous avez dit Hugo, hein ? Oui, Hugo, ouais. Et c'était Vincent Van Gogh. Ouais. Mais je suis d'accord, Hugo, ça faisait quelque chose de plus jeune, de plus frais. Il aurait dû s'appeler comme ça. Quelle est la ville la plus peuplée de Normandie décidément, j'ai du mal avec le plus peuplé, voilà, de Normandie. Alors, vous avez dit Évreux, ensuite vous avez dit Rouen. Alors non, c'est le Havre. On parlait des villes, non pas des agglomérations. Sinon, Rouen était en tête, en effet. D'accord. C'était un piège. Combien y a-t-il de pièces dans un jeu de domino ? Est-ce qu'il y en a 28, 32 ou 40 ? Il y en a 28 et non pas 32. Alors, les filles, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est pas fameux, mais c'est déjà pas mal, 3 points. Je suis sûre que vous faites mieux dans la voiture, toute seule. Bon, c'est 3 points, je ne vais pas dire que c'est difficile à battre, hein, ce midi. Le prochain candidat, il fait 4 points, vous êtes hors compétition. Voilà, non, bah c'est bon. Là, va falloir tout croiser, les doigts de pied, les bras, tout, se croiser entre eux, toutes les deux, pour ne pas vous faire battre aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous et peut-être à tout à l'heure, hein, si la chance est de votre côté. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been

La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Tout à l'heure, nous étions avec Julie et Laura, deux collègues du côté de Conches. Elles ont joué et elles ont répondu à mon questionnaire. Elles ont fait 3 points, donc il faut en faire minimum 4 aujourd'hui. Autant vous dire que notre candidate a toutes ses chances. Nous sommes avec Emmanuelle Dunebourg. Bonjour. Bonjour. Tu es assistante dentaire ? Tout à fait. Ça tombe bien. Est-ce que tu veux bien me donner une dent, s'il te plaît ? Il m'en manque une. Je dois vous avouer. C'est vrai que ça fait un an que je dois me mettre une couronne et je ne l'ai toujours pas fait. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, je viendrai te rendre visite au Neubourg, du coup. Oui, tout à fait. Et si tu gagnes à la pause déj, du coup, c'est gratuit ? Faudra voir avec ma patronne. Au moins, j'ai essayé. Tu as 2 enfants qui ont des très beaux prénoms. T'as essayé de choisir des prénoms originaux. Aaron. C'est ça. Bon, celui-ci, il est quand même un peu connu. Oui, ça va. Et il y a Milo. Tout à fait. Alors, Milo, je ne connais pas de Milo. Mais si, il y a un très bel acteur qui s'appelle Milo Ventimiglia. Il joue dans quoi ? Aucune idée, mais je sais qu'il est très beau. D'accord, bah je souhaite à ton petit garçon qu'il soit aussi beau que lui, alors. Oui, ça va, il a son petit charme. Alors, en même temps, si tu me disais le contraire, je serais déçue. Ah non, il est moche. Ah non, il est moche. C'est horrible. Alors, Emmanuel, on y va pour une minute de questions. Tu dois faire au moins 4 points. Essaye de faire le plus de bonnes réponses possibles. N'oublie pas que tu peux gagner 500 euros si tu fais 10 bonnes réponses consécutives. D'accord. Je te souhaite bonne chance. 3, 2, 1... Donne-moi à 5 ans près l'année de sortie de cette chanson. Tu as dit 2008. À quelle marque automobile appartient le modèle baptisé Mokka? Ford. Dans un champ, il y a 25 vaches et 2 mouettes. Ça fait combien de paires de pattes? 28. Cite-moi une décoration qu'on met sur le sapin de Noël qui contient la lettre A. Une guirlande. Quel Bernard célèbre a présenté pendant plusieurs années l'émission Vidéo Gag? Montiel. Quel est le prénom de la chanteuse américaine dont le nom est Swift? Taylor. Donne-moi à 3 ans près l'âge de l'acteur Gérard Lanvin. 53. Dans Lucky Luke, quel est le prénom du plus petit des Dalton? Joe. Quel acteur incarne le père de la famille Tuche au cinéma? Je passe. Oh, c'était Jean-Paul Rouve. Ah, ben oui. Alors, pourtant, sur ta fiche, j'ai noté que tu adores le ciné. Alors, je pensais que tu allais avoir cette réponse. Mais non, je voyais sa tête, mais j'avais pas le nom, j'ai préféré le passer. Bon, tu l'as déjà vu quand même, les Tuches. Ah, bah oui, même le 2. Et t'as aimé? Pas encore le 3. Oui, ça va. Ah, le 3, c'est vrai que je l'ai pas encore regardé. Il a eu des mauvaises critiques, hein, quand même. Ça donne pas envie de regarder. Mais bon, faut se faire son avis, hein, quand même. C'est ça. Alors, je te demandais à 3 ans près l'âge de l'acteur Gérard Lanvin. Celui qui joue notamment dans Camping. Gérard Lanvin, il a 68 ans, hein, il les fait pas, hein, d'ailleurs. Ah, mais, bah ouais. Ouais, bah oui, t'as dit 53, j'aurais été dans ces eaux-là également. Alors, dans Lucky Luke, quel est le prénom du plus petit des Dalton? C'était bien Joe. Le Bernard célèbre qui a présenté Vidéo Gag pendant des années, c'était bien Bernard Montiel. Alors, est-ce qu'il y a 2 autres bonnes réponses pour aujourd'hui battre Julie et Laura de Conches? Tu restes avec nous? Oui, ça va. On va connaître ton score juste après Offenbach. Voici Paradise. Oh, you Cette chanson, elle rend complètement dingue, je trouve. C'était Paradise d'Offenbach avec Benjamin Ingrosso. Nous sommes dans la pause déj. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, il faut battre le score de j'ai perdu son prénom, de Laura et Julie du côté de Conches. Et nous sommes actuellement avec Emmanuel. Emmanuel habite au Neubourg, donc on reste dans l'heure. On va connaître donc ton score dans un instant. Est-ce que tu as fait au moins 4 points? Tu penses les avoir ou pas? Je pense avoir fait 4 pile poil. Tout juste? Ouais. Alors je te demandais à 5 ans près l'année de sortie de cette chanson. Et on a tous reconnu Shakira avec son premier grand succès. Eh bien c'était sorti en 2002. C'était beaucoup plus vieux que 2008. Ouais. À quelle marque automobile appartient le modèle baptisé Mokka? Ce n'est pas Ford, mais Opel. Alors, question difficile. Dans un champ, il y a 25 vaches et 2 mouettes. Ça fait combien de paires de pattes? Alors, par vache, ça fait 2 paires de pattes. Ouais. 2 fois 25, 50. 50. La mouette a qu'une paire de pattes. Donc, plus 2, ça faisait 52. Ouais. Je te demandais de citer une décoration qu'on met sur le sapin de Noël et qui contient la lettre A. Tu as dit une guirlande, bien joué. Est-ce que tu as fait ton sapin de Noël, toi? Pas encore, week-end du 1er décembre. À partir du 1er décembre, et tu prends quoi comme sapin? Est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un sapin en bois qui est vachement à la mode d'ailleurs en ce moment? Non, je prends un vrai. Le vrai de vrai. Ouais. Alors, Thiel Bernard, célèbre, a présenté pendant plusieurs années l'émission Vidéo Gag. C'était bien Bernard Montiel. Le prénom de la chanteuse dont le nom est Swift. Ce n'est pas Suzuki d'ailleurs, mais c'était bien Taylor. Je profite de cette chanson que j'aime bien pour t'annoncer que oui, en effet, tu as fait 4 bonnes réponses. Tout n'est pas encore joué, par contre, Emmanuel. Ouais. Tu le sais, il y a un troisième candidat à passer. S'il fait 5 points, c'est foutu pour toi. C'est foutu. Mmh. Autant te dire que 4 points, c'est plutôt simple à battre, hein. Même si on connaît beaucoup de personnes qui ont quand même gagné la pause déj avec 4 points, ça laisse toutes les chances au troisième candidat de te battre et peut-être remporter le jeu vidéo de son choix sur la console de son choix. Emmanuel, je t'embrasse et peut-être à tout à l'heure. D'accord. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Après dissipation de brumes et bandes brouillards, retour d'un temps sec en matinée entre nuages et éclaircies localement belles avec un vent faible à modéré et des minimales comprises ce matin entre 1 et 6 degrés. Pour l'après-midi, des éclaircies puis un ciel de plus en plus couvert et enfin l'arrivée de la pluie par le sud-ouest. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés. Pour renforcer son action sur le logement et l'insertion, le département de l'Eure va signer lundi prochain une convention avec le comité régional Action Logement autour de 3 axes communs: favoriser l'accès au logement des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels, rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs des villes et puis accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Cette convention centrée sur le lien emploi-logement va aussi permettre de mettre en œuvre un nouveau dispositif visant à accompagner les jeunes vers l'emploi par le logement. Organisée avec un mois de décalage par rapport à la semaine nationale qui s'est déroulée du 8 au 14 octobre, la 3e édition de la semaine bleue a débuté lundi à Évreux. Elle s'adresse aussi bien aux pré-retraités qu'aux seniors, à leurs familles ou aux professionnels comme les aidants. Nous avons souhaité la démarrer avec le banquet des aînés qui a rassemblé plus de 980 convives dimanche. C'est ce qu'a indiqué Karen Beauvillard, la première adjointe d'Évreux. Très belle journée sur Cristal. Là, il est 5h. Mais je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connect ADCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Cristal, la première hit radio en Normandie. Split the ocean, grab my hand. I won't marry it. Oh, you bridge the distance. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Midi 34, il est l'heure de rejoindre notre dernière candidate. Elle doit battre Emmanuel du côté du Neubourg et faire au moins 5 bonnes réponses en 1 minute. Nous sommes donc avec Christelle, il me semble. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc c'est bien Christelle. Bonjour Christelle. C'est pas Christelle, oui, c'est il me semble. Hein. Ce serait vraiment un prénom pas très joli. Tu habites à Saint-Marcel dans l'Eure ? Oui. Donc c'est un combat entre euroises aujourd'hui. Donc tu as deux filles. Oui, j'ai deux filles. Elles ont quel âge ? Alors 14 et 11 ans. Et ce sont des grandes sportives, ce que tu me disais. Oui. Elles ont fait du oui. karaté, alors maintenant elles font du kayak, elles font aussi du cirque. Oui, c'est ça, art du cirque. Art du cirque, ça consiste en quoi ? À faire du diabolo, des trucs comme ça ? Voilà, du jonglage, des numéros de cirque. Elles font ça avec le collège de Saint-Marcel. Et ça me fait une parfaite transition pour vous parler du cirque de Noël à Rouen. Ce sera le 11 décembre, on a privatisé le cirque rien que pour vous. Rien que pour vous. Et donc si vous voulez gagner vos places pour envoyer toute votre famille, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Christelle. Oui. Il faut que tu fasses 5 points. Tu as une minute D'accord. pour ça. Alors tu D'accord. peux essayer de faire le meilleur score possible. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de faire 10 points consécutifs aujourd'hui. D'accord. Si tu fais ces 10 bonnes réponses, tu gagnes 500 euros. Plus on va essayer. Le jeu vidéo de ton choix. On y va ? Oui. C'est parti. 3, 2, 1. Donne-moi à 5 ans près l'année de sortie de cette chanson. Dans quel film de Disney apparaissent les personnages de Hans, Anna et Olaf ? La Reine des Neiges. Cite un super-héros dont le nom ne se termine pas par Man. Avenger. Dans quel pays se trouve la ville de Gênes ? En Belgique. À Rouen. À Rouen, qu'est-ce qui a disparu du rond-point des vaches depuis plusieurs jours ? Les vaches. Quel est l'autre nom de la jonquille ? Narcisse. Elle peut être de cuisine ou de Père Noël. De quoi s'agit-il? Ou du la Père bouche. Noël. À quel quel art est à l'honneur lors du Festival d'Avignon? Le Festival d'Avignon, je passe. C'était le théâtre. On peut y voir beaucoup d'humoristes lors du Festival d'Avignon qui se tient généralement l'été. Alors, elle peut être de cuisine ou du Père Noël. Bon, tu as dit la haute après. Hein. La haute. La haute. Oui, c'était la bonne réponse. On te l'accepte, hein, bien sûr. Merci. L'autre nom de la jonquille. Tu as dit Le Narcisse. T'es sûr? Oui. C'est bien. C'est bien, il faut être sûr de soi dans la vie. Et c'était la bonne réponse. Alors, ce qui a disparu du rond-point des vaches depuis plusieurs jours? Les vaches. Oui, c'est vrai. C'est les vaches, les statues en plastique se sont volatilisées depuis le week-end dernier. Alors, Christelle, fallait faire 5 points. Oui. J'ai ton score en ce moment sous les yeux. D'accord. Je sais si t'as gagné ou pas. Ah. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est hyper serré aujourd'hui. On va connaître ce score juste après Christos Amsterdam avec Whenever sur Cristal. À tout de suite, Christelle. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. We're over, you're under, you never have to wonder. We can always play by ear, and that's the deal, my dear. Mama's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, your miles won't get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me strong. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under, you never. C'est un combat entre Euroise aujourd'hui dans la pause déj. C'est un combat entre le Neubourg et Saint-Marcel, tout près de Vernon. Nous avons Emmanuel donc du Neubourg qui a fait 4 points tout à l'heure. Il fallait que Christelle en fasse du coup 5 au minimum pour pouvoir la battre et remporter le jeu vidéo de son choix. Christelle. Oui. Alors comment tu le sens aujourd'hui? Bon, on croise les doigts, hein. On verra bien. Je te demandais à 5 ans près l'année sortie de cette chanson. C'est pas tout jeune hein, quand même. Elton John avec Can You Feel the Love Tonight. Ça me fait penser au Roi Lion. Bah d'ailleurs, c'est le Roi Lion. Oui, c'est le Roi Lion. C'est le Roi Lion. Bon, le Roi Lion, c'est quand même. C'est quand même plus vieux que 2003. Ouais. C'était sorti en 1994. Ouais. Donc ça te fait déjà une mauvaise réponse. Dans quel film de Disney apparaissent les personnages de Hans, Anna et Olaf? On a la Reine des Neiges. Libérée, ouais. Libérée, les étoiles me tendent les bras. Je te demandais de citer un super-héros dont le nom ne se termine pas par Man. C'était pas facile, hein, en y pensant comme ça. Tu as dit Avenger, ça ne marche pas, c'est un groupe de super-héros. Moi, je te demande un héros en particulier. Il y avait Hulk, Wolverine, Captain America, par exemple. En fait, moi, je les ai fait tous en même temps. Exactement, mais je ne peux pas t'accepter, désolée. Dans quel pays se trouve la ville de Gênes? Alors, ce n'est pas en Belgique, c'est en Italie. Non. En Italie, oui, puis ma fille a été en plus il n'y a pas longtemps. En plus, c'est impardonnable, Christelle. Non, c'est pas pardonnable, non. Alors, bah, d'ailleurs, je pense qu'elles vont peut-être un petit peu t'en vouloir, tes filles, aujourd'hui. Oui, oui, bah, y en a une à côté de moi, elle vient de rentrer du collège. Et bah, je pense qu'elle va peut-être un petit peu te bouder aujourd'hui, puisque c'est tu as fait... C'est celle qui est revenue en Italie. Comment? C'est celle qui est revenue d'Italie. En plus, elle aurait pu avoir la réponse. Alors, tu as fait 4 points. Oui. 4 points, tu égalises avec Emmanuel. Eh oui. Et tu sais, dans la pause déj, c'est toujours un score à battre. Bon. D'accord. C'est pas pour aujourd'hui, mais ce sera pour plus tard. C'est ce qu'on dit ici dans la pause déj. N'hésite pas à retenter ta chance. Et pourquoi pas tes filles, elles ont quel âge déjà? 14 et 11 ans. Et ben voilà, elles peuvent jouer à la pause déj enfant le mercredi. Bah oui, mais je leur donnerai le numéro de téléphone. Et ben y a pas de souci, elles ont l'air d'être plus calées en géographie que toi en tout cas. Exact. Bisous Christelle. Et bien sûr, je félicite Emmanuel du côté du Neubourg. Bravo. Merci. Quel fair play, bravo Christelle. Vraiment Emmanuel, t'es passé à ça de perdre la pause déj aujourd'hui, hein? Vraiment pas très loin. Bon, ça a été des petits scores aujourd'hui. 4 bonnes réponses, tu as remporté quand même la pause déj. Je pense que t'avais pas trop d'espoir de la remporter aujourd'hui. Et pourtant, ouais, c'est arrivé. Donc, tu vas choisir quel jeu vidéo? Je vais prendre pour les enfants sur la Switch le Mario Odyssey. D'accord, et bon, on t'envoie ça à la maison. Merci en tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous les filles aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, je fais une dédicace à mon chaton qui doit m'écouter sur la route, à Chouchou qui m'écoute et à mes deux sœurs, Marion et Déborah, qui m'écoutent au travail. Et bah, bisous à tous! Merci. Merci les filles. Vous jouez également à la pause déj tous les midis pour remporter le jeu vidéo de votre choix. Vous nous appelez au 02 32 23 53 96. 02 32 23 53 96. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Et pour tous les fans de la pause déj, sachez qu'Aurélie revient tout à l'heure à midi. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Vendredi, ça y est, bientôt le week-end. Encore une grosse journée de travail avant le repos pour la plupart d'entre vous. C'est la fin d'une semaine particulière et compliquée sur les routes avec de nombreux blocages. Et ça s'est calmé depuis avant-hier en Normandie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles manifestations dès ce vendredi matin. On vous tiendra au courant, bien sûr, pour vous éviter la galère sur le chemin du travail. Sinon, j'espère que ça va chez vous, que vous êtes bien réveillés. Bon courage si vous bossez déjà pour ce vendredi. On va se réveiller à la cool ensemble sur Cristal avec tous vos hits en Normandie. Kenji Girac, Offenbach arrive dans les prochaines minutes. Très bon réveil et courage pour cette journée. Ça caille encore ce matin, attention au brouillard. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce vendredi 23 novembre. Après dissipation de brumes et bandes brouillard, retour d'un temps sec en matinée entre nuages et éclaircies localement belles, vent faible à modéré et des températures minimales comprises ce matin entre 1 et 6 degrés. Dans l'après-midi, éclaircies puis un ciel de plus en plus couvert, enfin arrivée de la pluie par le sud-ouest. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 11 degrés avec 7 degrés notamment du côté d'Évreux. Pour le week-end, samedi, matinée nuageuse avec des pluies au nord-est et de 4 à 9 degrés, puis des maximales entre 6 et 10 degrés avec un temps changeant et même pluvieux sur l'Avranchin et le Pays de Bray. Dimanche, matinée pluvieuse et après-midi nuageux, mais encore pluvieux aussi au sud de la région avec un mercure compris entre 3 et 10 degrés. Pour renforcer son action sur le logement et l'insertion, le département de l'Eure va signer lundi prochain une convention avec le comité régional Action Logement autour de 3 axes communs. Favoriser l'accès au logement des jeunes en retour à l'emploi et développer l'offre de logements intergénérationnels. Rénover les logements en centre-bourg afin de renforcer l'attractivité des cœurs des villes. Accompagner les personnes à mobilité réduite face à l'accès et au maintien dans le logement. Cette convention centrée sur le lien emploi-logement va aussi permettre de mettre en œuvre un nouveau dispositif visant à accompagner

tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Des invites, t'es mon amante, mon ami, mon instit, t'es ma soupline, t'es mon huile essentielle, t'es ma tartine, ma confiture de miel, t'es ma Charlotte le bon, t'es ma bourgoin, t'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point, t'as le compte Instagram que je mate le plus, t'es mon son préféré quand on attend le bus, tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Il est bientôt 6h, vous êtes sur Cristal, j'espère que vous allez bien ce matin. On est vendredi le 23 novembre et c'est le week-end hein, ce soir. Courage à vous pour cette journée et attention au brouillard hein, sur les routes ce matin, surtout en Eure et Seine-Maritime. Sinon, côté météo, bah, il fait froid, mais moins qu'hier. 3 degrés à Caen chez Sophie en ce moment, 4 à Évreux, place du marché et 4 aussi du côté de Rouen. Voilà, ça pique un peu moins qu'hier. La météo, on y revient dans un instant avec votre actu en Normandie. On s'écoutera aussi Will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, mais d'abord c'est votre horoscope. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous, bon vendredi. L'horoscope ce 23 novembre. Bélier, votre vie sentimentale est une priorité. Vous ne pourrez pas vous épanouir autrement qu'en vous sentant aimé. Taureau, vous décidez de relativiser les problèmes liés à la vie de couple. De bonnes résolutions sont prises. Pour ceux qui sont dans le flou, les Gémeaux vous apprennent rapidement les histoires sans lendemain. Cancer, attention aux amitiés fortes et passionnelles. Si vous êtes trop possessif, des conflits, hélas, sont à craindre. À Lion, fier de votre foyer et de ce que vous avez construit, vous ferez en sorte que cela perdure. Un intellect aiguisé, les Vierges, le sens de la répartie et une belle réactivité vous permettront de montrer votre efficacité. Balance, à la maison, l'incompréhension règne, la moindre réflexion prend de l'ampleur. Scorpion, vous pouvez être distrait par une atmosphère légère car un changement se manifeste sur votre lieu de travail. Sagittaire, c'est une bonne journée pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles disciplines. Les Capricornes, votre partenaire vous aime et n'a de cesse de vous le répéter, mais il attend en retour un peu d'attention de votre part. Verseau, vous adorez travailler vite et bien, vous supportez difficilement la paresse et la nonchalance autour de vous. Et les Poissons, si vous êtes célibataire, vous ressentirez un profond besoin de relations stables. Excellente journée à tous. Power. I got that power, power, power, power. They call me Willie. Stay so cool, I'm chilly. Who cares what the haters say? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle. I flex that mid tone muscle. Hate to bust your bubble. I'm on that other level. I'ma take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire, fire. Burning like that fire. Yes, y'all, feeling funky, fresh, y'all. Made it out them projects with this project that watch progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yep, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire, tire. Keep burning like that fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like